Chapitre 9e, exploration. À 11h30, le docteur et Fouinard apparaissaient dans le jardin. Ils allaient d'un pas très lent. Fouinard, examinant attentivement le sol, sans y trouver d'ailleurs aucune trace qui lui sembla pouvoir se rapporter à l'aventure nocturne. Ils étaient revenus au kiosque de Lucille et là encore, Fouinard avait tout inspecté. Rien qui pût le mettre sur la piste de l'espion mystérieux. En face du kiosque était un sentier bordé d'une haie d'aubépine qui longeait la muraille extérieure. La marche recommença au très petit pas. Soudain, Fouinard s'arrêta et, se penchant vivement, cueillit sur un des massifs un morceau d'étoffe noire accroché à une épine. Puis il le glissa dans sa poche sans rien dire. « Le fantôme s'est accroché là, en fuyant, » murmura Fouinard. Le docteur n'avait pas remarqué son mouvement. Ils continuèrent à suivre le sentier qui bientôt tournait et suivait le mur du fond. Ils arrivèrent à une petite porte encastrée dans ce mur. « Qu'est-ce ceci ? » demanda Fouinard. « C'est la porte qui fait communiquer ma propriété avec la maison voisine, celle des dames Baladier. C'est Lucille qui l'avait fait percer lorsque ces dames sont devenues nos voisines. Elle aimait beaucoup Berthe et tenait à ce qu'elle peut venir la voir sans passer par l'extérieur. « Vous avez une clé de cette porte ?»« Non. » « Moi-même, je ne m'en sers jamais. Elle reste à l'usage de ces dames qui l'ouvrent de leur côté. » « À propos, cette pauvre Madame Baladier a été tout à fait paralysée. Savez-vous que si elle peut marcher aujourd'hui, c'est une cure qui vous fait honneur ?»« En vérité, ces maladies nerveuses déroutent tous les raisonnements. »« J'avais tout tenté, je croyais que jamais plus elle ne pourrait se mouvoir. Lorsqu'il y a 2 mois à peine, le traitement électrique que je lui faisais subir depuis près d'un an a tout à coup produit des résultats surprenants. » Ce fut une véritable surprise. C'était au jour de la fête de Berthe. Naturellement, j'avais organisé une petite fête de famille. Pour la première fois depuis la mort de ma pauvre Lucille, la salle à manger était ornée de fleurs. Berthe était parée et adorablement jolie. Et vous ne sauriez imaginer sa joie quand je lui passais au bras un bracelet en cadeau de fête. Soudain, sous le coup d'une émotion bien explicable, Madame Baladier, qu'on avait portée chez moi dans son fauteuil, se dressa sur ses pieds. Et fit un pas en me tendant les mains. Oui, oui, c'est bien cela, l'émotion. Je suppose qu'en offrant le bracelet, vous aviez embrassé la jeune fille. Oui, évidemment, fit le docteur avec quelque embarras. Ça lui a fait une révolution à cette chère dame, dit Fouinard d'un ton attendri. Elle doit être si bonne. Je suis sûr qu'elle vous aime autant que sa fille. Je serais bien heureux de la connaître. Mais voici l'heure venue de l'aller chercher. Le déjeuner n'est que pour 1 heure. « Je vous ai dit d'aller la prendre à 12h30. L'avez-vous oublié ?»« Mais pourquoi ?» Fouinard eut un geste d'impatience. « J'ai dit 12h30 parce qu'il faut que ce soit 12h30. Si vous ergotez sur chaque détail, qu'est-ce que je fais ici ?»« Vous avez raison. Je vous demande pardon. Quand donc m'évaderai-je de ce mystère ?»« Vous ne passez pas par cette porte ?»« Non. Il me faudrait frapper et appeler au risque de n'être pas entendu. Je ferai le tour par la ruelle. » « Mais vous ressortirez par cette porte-ci, naturellement. »« Bon, allez, moi je vais encore me promener dans le jardin. »« Ah, à propos, faites donc apporter dans la salle à manger la tête phrénologique que j'ai vue hier dans votre cabinet. »« Quelle fantaisie !»« Docteur, je vous rappelle encore à l'ordre, c'est juste, je ferai ce que vous voulez. » Les 2 hommes se séparèrent. Fouinard resta seul dans le jardin et chercha et trouva un point d'où il pouvait, sans être vu, inspecter la porte et l'allée qui de là conduisait vers la maison. 10 minutes se passèrent. Enfin, la petite porte s'ouvrit. Berthe passa la première, puis le docteur parut soutenant la malade de toute sa force. Derrière venait Julia qui referma la porte. Madame Baladier, suspendue au bras du docteur, avançait avec des précautions infinies. Elle se tenait courbée et s'appuyait de sa main libre sur une canne solide. Fouinard la regardait attentivement. La 50aine à peu près, les cheveux grisonnants, retenus par un serre-tête à la mode de nos grands-mères. Les traits forts, anguleux, aux arêtes dures. Pour tout dire d'un mot, le type homasse, les épaules larges. Ils passèrent, se dirigeant vers la maison du docteur. Alors Fouinard regarda autour de lui. Les domestiques étaient occupés sur le devant de la maison. Nul ne pouvait le voir. Il se glissa vers la petite porte, et de l'outil qu'il tira de sa poche, il l'ouvrit, et se trouva dans le jardin des Baladiers. C'était une modeste construction à 1 étage sur rez-de-chaussée à 1 toit pointu où se voyait la lucarne d'un grenier. La porte du perron était fermée. Fouinard ne voulut pas rentrer par là. Il tourna autour de la maison, avisa une fenêtre ouverte, sauta, se trouva à l'intérieur, et avec rapidité inspecta les chambres, celle de Madame Baladier, celle de Berthe, le cabinet où couchait Julia, la salle à manger. Cette dernière pièce était meublée de pitch-pin vernis, un buffet un peu lourd de forme, de construction plutôt rudimentaire, mais bien d'aplomb. « Ceci n'est pas de travail de commerce, » se dit Fouinard, « mais de main d'amateur. » C'est, comme l'a dit le docteur, la Baladier qui a construit cela. Crédier, quelle poigne, et comme c'est cloué. Il était monté au premier et dans la cage de l'escalier, aperçu en haut une trappe qui devait mener au grenier. « Il faut tout voir, » murmura-t-il. « Pas d'échelle et pas le temps de chercher. » Fouinard ouvrit une fenêtre du côté qui donnait sur la Marne et d'où personne ne pouvait le voir. Il monta sur l'appui, prit son élan, sauta dans le vide et s'agrippa à la corniche du toit, fit un rétablissement, se trouva sur le chéneau, courut avec l'aplomb d'un couvreur, arriva à la petite lucarne, la poussa en dedans en faisant sauter le verrou intérieur et sauta dans le grenier. Une odeur de renfermé et de moisi le saisit à la gorge. On n'y devait pas pénétrer souvent. Des toiles d'araignée barraient le chemin. Et c'était un fouillis d'objets disparates, un capharnaüm, d'où émergeaient des choses bizarres. De ses deux mains, Fouinard fouillait, rejetant autour de lui pour mieux atteindre le fond du tas. Tout à coup, il eut une légère exclamation. Il prit quelque chose, un morceau de bois, cannelé, avec de légères dorures. « Bon, » dit-il, « morceau d'un cadre Louis XVI, ça se corse. » Il glissa l'objet dans sa poche, courut à la lucarne, repassa par le chéneau, par la fenêtre qu'il referma derrière lui, redescendit au rez-de-chaussée, dévala par la fenêtre, s'élança vers la petite porte du mur, et se trouva nez à nez avec Julia qui rentrait. Elle fit un saut en arrière, mais le reconnaissant, « Vous, monsieur Fouinard, qu'est-ce que vous faites là ?» Elle riait en pensant à Passepartout. Lui, très gai, répliqua, « Dame, ma petite, vous aviez laissé la porte ouverte. Moi, oh, par exemple. C'est comme ça. Et je suis entré par curiosité, pour voir si vous n'aviez pas laissé brûler un bec de gaz, comme le Passepartout de monsieur Verne. Ah, vous êtes assez rigolo, » fit Julien en s'esclaffant. « Mais je suis en contravention. Tenez, mon ange, voilà 100 sous. Pour que vous ne me teniez pas rigueur. Dites donc, est-ce que je suis en retard? Mais oui, on vous attend. Et la vieille chouette rage? La vieille chouette. Eh oui, la Baladier donc. Allez filer, plus vite que ça. Vous avez la chance que M. Gustave ne soit pas arrivé. S'il vous avait vu rôdasser, ce qu'il aurait cogné. On l'attend? Eh oui. La vieille chouette lui a envoyé une dépêche. Mais filez donc, ce que vous allez vous faire attraper. Fouinard ne se le fit pas dire deux fois et sauta dans le jardin. Un instant après, s'étant donné un rapide coup de brosse, il apparaissait, correct, dans la salle à manger.